goût, nous sommes nés, c'est vrai. Non, je travaillerai pas pour l'argent, mais pour ce que j'aime vraiment. Je crois à la justice et les punitions, les coupables. Mon cœur en palpite, je sens ces coups palpables. Juste de la franchise, de la pensée, c'est l'unique juge. Caractère, les noms franchis, j'assais pour mentir, jamais j'ose. Les grands pour l'argent, des gens qui disjonquent, les gens qui déchantent. À ta petite, déjà, j'entends que la vie est une décharge. Papa dit, c'est pas de mon âge. J'aime jouer aux soldats, fous tes boules de neige. Je monte ton tel un manège. J'rêve d'armure d'or et de chevalier. Ouais, j'ai très loin au soleil sur des charvoyers. Dans la cour, ça parle d'Olive et Tom. Tout le monde se parle, blanc, arabe, asiat, il est dom, tom. Si le monde déteint, la faute à notre dédain. C'est pour ça que je respectueux pour demain. Hier, l'idée, mes rêves, ma vie, ma maîtresse. Aujourd'hui est mort, y'a plus rien que je maîtrise. Mes utopies, ces meufs, l'espoir et ma matrice. Demain se meurt, plus rien ne m'attriste. Hier, l'idée, mes rêves, ma vie, ma maîtresse. Aujourd'hui est mort, y'a plus rien que je maîtrise. Mes utopies, ces meufs, l'espoir et ma matrice. Demain se meurt, plus rien ne m'attriste. Adolescence, adolescence, adolescence. As-tu les tout sens, les problèmes, ennuis, conflits, trahison, trahison, trahison. Putain, qu'est-ce que ça fait pitié quand je repense aux espoirs de mon enfance. Tu fermes les yeux puis tu y es. Dans une merde pas possible, on s'enfonce. Avant je croyais qu'on avait qu'une femme. La fidélité n'existe pas, le mensonge la fume. Hôtel Formule 1, campagne il est tapoui. Biche, fréquente des femmes au top, trop près d'Iblis. Je croyais que l'amitié pouvait tout le temps me sauver. Mais elle m'a lié, il a manié, faut vivre sa vie. Je fais mon crari, je dis de mon Troy à Drancy. C'est la fcarie, car le bise est carré. Y'a plus d'enfants couvés, à table y'a plus mon couvert. Les parents manquent, ça j'ai découvert. Je fonce tête baissée, totalement égaré. Pris au garrot, dans le vice à guérir. J'oublie mon mal à guérir. Hier, guider mes rêves, ma vie, ma maîtresse. Aujourd'hui est mort, y'a plus rien que je maîtrise. Mes utopies, ces meufs, l'espoir et ma matrice. Demain se meurt, plus rien ne m'attriste. Hier, guider mes rêves, ma vie, ma maîtresse. Aujourd'hui est mort, y'a plus rien que je maîtrise. Mes utopies, ces meufs, l'espoir et ma matrice. Demain se meurt, plus rien ne m'attriste. J'ai un discours à polir, je tente de rester poli. Même pendant les putains contrôle de police. Les meufs saoulent de grenades, veulent des grenades. J'suis pas un pigeon, j'ai rien à t'offrir sauf des grenades. Les femmes c'est comme les sauces, ça capture des promesses au lasso. Par de beaux gestes t'es lancé, et au final t'es seul et lassé, c'est la leçon. Heureusement mon gars pour le moral j'ai le son. Mes ex-meufs et ex-potes ont usé de mytho. Leur ambition perso comme seul moteur. J'ai jamais pu compter sur vous, vous avez joué de ma parole comme des maestros. J'aurai aucune pitié mais est-ce trop. Hier, guider mes rêves, ma vie, ma maîtresse. Aujourd'hui est mort, y'a plus rien que je maîtrise. Mes utopies, ces meufs, l'espoir et ma matrice. Demain se meurt, plus rien ne m'attriste. Hier, guider mes rêves, ma vie, ma maîtresse. Aujourd'hui est mort, y'a plus rien que je maîtrise. Mes utopies, ces meufs, l'espoir et ma matrice. Demain se meurt, plus rien ne m'attriste. Peut-être que mes convictions, celles d'aujourd'hui, seront mes utopies de demain. Ces mauvaises herbes au jardin. Prenant l'appel, une pousse comme appel. Je creuserai un trou, mais y'a pas de place pour un tronc. Chaque espoir est incarné par une feuille morte. Ils tombent tous, on me dépouille, c'est la fouille. Mère, la vie est une éternelle saison d'automne. L'arbre que je suis après cette saisie hautaine ne possède plus rien. On cède, on serre les rangs. Mais sous le poids de la vie, on change d'avis, il cède nos reins. On attend longtemps, la tête vide, en silence. Fait arriver au bout, la vie n'est pas si lente.